Et dans la matière, c'est pas là. On peut être manipulable dans le rêve. Alors, lentement, ces initiés, ils finissent par être capables de créer des mondes parallèles, similaires au monde de la matière, et ils peuvent prendre des initiables, ceux qui veulent devenir initiés, et les amener vivre des expériences formidables, extraordinaires, dans ce monde de la mort, qui est le sommeil, qui est le rêve, parce que l'homme n'a pas toujours rêvé comme il rêve aujourd'hui, et à l'époque, lorsqu'il arrivait à rêver, il se rappelait de son rêve. Pourquoi il se rappelait de son rêve? Parce qu'il est absolument essentiel de se rappeler de son rêve. Imaginez-vous qu'on vous hypnotise 6 heures par jour, on vous fait faire n'importe quoi, puis après ça, on vous dit vous l'oubliez. Mais quand vous vous réveillez, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Sauf que l'expérience que vous avez faite, elle vous habite maintenant en tant que mémoire. Et nécessairement, elle aura une incidence psychologique sur votre vie, sur l'apparence de choix, l'apparence de décision, sur l'apparence de goût, enfin bref, sur vous. Alors, c'est essentiel de se rappeler de son rêve. Ceux qui ne s'en rappellent jamais, tout à l'heure, on va expliquer un petit peu comment on peut arriver à s'en rappeler. Dans ce monde de la mort, dans le monde astral, pourquoi le monde de la mort? Pour la simple raison que dans ce monde constitué que de mémoires expérientielles, des mémoires d'expériences ou d'événements planétaires, il ne se passe jamais rien de neuf. Pourquoi? Ce n'est que de la mémoire du passé. C'est mort, c'est pas vivant. C'est le ciel. C'est là aussi que l'être humain va lorsqu'il quitte son corps physique, après avoir traversé le monde mort-en-ciel, donc lorsqu'il vit une deuxième mort. Alors, pendant ce sommeil, on faisait vivre certaines expériences particulières à ces initiés et on s'arrangeait aussi pour voyager avec eux, donc on les manipulait pendant le rêve, c'est-à-dire que le prêtre initié voyageait avec l'homme initiable, l'apprenti initié, et les deux côte à côte pouvaient maintenant s'en aller dans des régions particulières du monde de la mort, des régions extrêmement basses où le corps, où la conscience astrale a de la difficulté. On va appeler ça corps astral, même si ce n'est pas un vrai corps astral. Alors disons où le corps astral a de la difficulté à conserver sa texture vibratoire, donc il se refroidit, et ça engendre ce qu'on appelle des cauchemars. L'initié devait donc descendre dans des cauchemars, et dans ce cauchemar, il devait être capable de s'arranger pour en sortir. En sortir à volonté. Par la suite, lorsqu'il avait réussi à transcender les mystères des cauchemars, eh bien là, on l'amenait voir des maîtres. Des maîtres spirituels, c'est-à-dire des maîtres qui n'ont pas le guts de se présenter avec un corps physique devant vous. Des maîtres qui ne se présentent que dans votre tête. Voilà. Alors, on les amenait voir, ces maîtres spirituels, dans les hautes sphères astrales. Donc, ils allaient rencontrer les mémoires de ce que l'être humain avait imaginé de plus beau, comme maître ou comme homme ou comme femme. Alors, ils montaient, et là, ils rencontraient des maîtres. Et les maîtres leur disaient, sens cette fleur. Puis là, ben, l'initié, il allait essayer de sentir. Nécessairement, vu que c'est de la mémoire, il y avait la mémoire de l'odeur, donc il pouvait imaginer qu'il sentait. Et là, lentement, les hauts maîtres spirituels, eh bien, ils leur disaient, reviens demain. Et lorsque tu vas revenir demain, je vais te montrer des choses que les maîtres matériels ne peuvent pas te montrer. Ah, ben là, l'initié, tu es content? L'initiable, plutôt. Il allait se coucher dans son cercueil, tout seul un peu, puis il essaie de retrouver ce monde. Et il le trouvait. Et en retrouvant ce monde, eh bien, à un moment donné, il a rencontré des grands vishous qui lui ont dit, « Nous avons des corps physiques et nous pouvons te montrer des choses. Par contre, tu dois venir dans un autre temple. Abandonner le temple ou l'école où tu vas présentement et venir nous rejoindre dans un autre temple, on va te dire où. » Et lentement, certains fiefés coquins, initiés, ben, ils sacraient le maître matériel-là, puis ils allaient essayer de trouver l'autre maître, parce que finalement, l'humain recherche le pouvoir. Et les autres maîtres leur comptaient des pipes. À l'époque, il n'y a pas de cigarette. Ils comptaient des pipes. Et l'une des pipes majeures était celle-ci. Avec les pouvoirs que maintenant vous avez sous le contrôle du sommeil, vous savez que vous pouvez manipuler n'importe qui. Manipuler les peuples de la haute et de la basse Égypte. Et on peut, si on se met certaines personnes, devenir puissant. On peut même conquérir le reste du monde. La Terre était plate à l'époque, alors on peut aller aux quatre coins du monde et conquérir le monde. Et de temps en temps, l'initié disait, « Moi, ça ne m'intéresse pas de conquérir le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me conquérir moi-même. » Alors, il s'en allait. C'est-à-dire qu'il n'allait pas voir ses maîtres dans l'autre école. Il revenait dans leur corps. Et lorsqu'ils revenaient dans leur corps, eh bien, ils se réveillaient, puis il y avait une surprise, c'est qu'il y avait plein d'initiés autour d'eux, de lui. Et ces initiés-là lui donnaient une espèce de diplôme. Il avait réussi. Ceux qui acceptaient de s'en aller dans une autre école pour aller chercher plus de puissance, et ils ne se réveillaient pas, eux autres. Ils étaient morts. On les tuait. Parce qu'à l'époque, l'humain était suffisamment plugué de l'intelligence supramentale pour comprendre le mécanisme de l'écologie. Quand tu fabriques un monstre, ben, tu l'élimines. C'est plus simple. Alors, on éliminait l'initié. Alors, il manquait son coup. L'orgueil, la puissance se transformant en pouvoir avait trop pris de dessus sur lui et il manquait son coup. Le Nazaréen, d'ailleurs, a subi 4 initiations majeures en ce qui concerne ces phénomènes, dont l'une était celle-là. Si, dans le sommeil, une personne qui a un rêve conscient est capable, en vous prenant la main et en se couchant à côté de vous, de jaser avec vous et de commencer à dessiner le sommeil. Ce que j'explique là, c'est une chose que vous pouvez faire, qui est plaisante à faire, qui est amusante à faire, mais il faut qu'on reste un être humain suffisamment conséquentiel pour pas non plus se ramasser avec un problème karmique, c'est-à-dire des conséquences négatives à nos actes. Alors, un exemple. On a un enfant qui fait toujours des cauchemars. Alors, on le couche à côté de nous, on lui prend la main, il y a donc un contact, premièrement émotif, qui va se créer entre les deux. Il y a un contact vital qui va se créer, donc les deux corps vitaux vont s'entremêler. Et nécessairement, par le contact émotif, par l'affection qu'il y aura entre les deux âmes vont accepter de limiter l'épaisseur du périsprit où ils se touchent. Donc, ils vont devenir très, très, très, très subtils, ce qui fait que les deux vont pouvoir s'auto-manipuler. Donc, ils pourront rêver la même chose. Un jour, j'étais très jeune, parce qu'un jour, je fus jeune. Et j'avais quelques-uns de mes amis, on s'était réunis dans le garage où on avait un petit laboratoire chez mes parents, et puis on avait décidé d'aller voir, il y avait une espèce de... On avait un article dans le journal, un ovni, une soucoupe volante, qui s'était apparemment réfrappé un avion et aurait tombé près des côtes de Floride. Alors on s'est dit, on va aller voir. Alors on s'est placé, puis lentement, bien, il y en a un, c'était moi, mais ça peut être vous, qui commence simplement à expliquer ce qui se passe. Alors, on ferme les yeux. Là, fermez-les pas, hein, mais c'est ce qu'il faut dire. Bon. Alors, on ferme les yeux. Et puis là, bien, on voit la pièce. Alors, on voit la pièce, on voit la fenêtre. On voit ceci, on voit cela. Et la personne qui doit diriger le rêve, elle explique. On s'en fout si c'est réel ce qu'on voit. L'important, allons-nous voir tous les deux la même chose. Et lentement, eh bien, elle dit, bon, voilà, maintenant, nous sommes sur le bord de la mer. Ce n'est pas de l'hypnose. L'autre peut n'importe quand s'en aller. Et s'il continue à expliquer ceci, finalement, lentement, les personnes vont tomber dans un sommeil similaire à l'hypnose. Donc, un état de sommeil, l'hypnose est une forme de sommeil, sauf que les individus restent libres. Mais là, on fait l'expérience ensemble. Fait qu'évidemment, tu ne t'en profites pas pour aller aux toilettes pendant que tu comptes ton histoire. Tu essaies de rester là. Bon. Et lentement, eh bien, nous autres, on a décollé, on s'est en allé près de la Floride, on approchait de l'océan, et quand on a voulu descendre dans l'eau, eh bien, on était rejetés sur le bord de la plage. Bien, effectivement, l'eau, elle a un problème, c'est que l'eau, elle empêche toute forme de voyance, de radiesthésie, de clairvoyance, ou même de voyage astral. C'est extrêmement pénible et difficile dans un voyage, dans un rêve, d'être sous l'eau. Ça peut arriver, très rare. On peut être sur l'eau, dans l'eau, très rare. Alors, lentement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que vous vous couchez près de votre enfant ou d'une personne qui fait des cauchemars et on la laisse induire. Conte-moi ton cauchemar. Ferme les yeux, je ferme les miens. Conte-moi. Et là, elle commence à induire. Ça prend un petit peu de pratique. Pourquoi? Parce que la personne doit être capable de le compter, non pas intellectuellement, mais de le compter émotivement. Cela veut dire qu'elle doit s'arranger pour revivre son cauchemar. Et à un moment donné, on ne dort pas totalement. Mais tous les deux, on rêve le même rêve. Et là, tous les deux, on peut voir le même cauchemar. Alors maintenant, il y a moyen de se parler par la bouche. Moi, je peux parler et l'autre saura ce que je dis. Mais dans le rêve, il va m'entendre. Et je suis capable de lui donner des conseils. On est capable à deux de régler le problème. Parce qu'au lieu d'avoir une vision qui, à un moment donné, a ramassé la personne qui fait le cauchemar, bien moi, maintenant, j'ai une vision préparée, une deuxième personne qui arrive et j'ai la possibilité de l'aider. Mais... jusque-là, on peut manipuler certaines formes de rêves. Le gros problème, c'est que, premièrement, 24 heures sur 24, des mécanicités réincarnationnelles du monde de la mort se réincarnent dans chacun des humains de la planète. Par un canal. Un canal qui est un stimulant. Lorsque ce canal réincarnationnel s'étrangle, et cela arrive qu'il s'étrangle, la personne qui n'a pas encore de contact avec son plan mental, ajusté par un ajusteur de pensée vers le plan supramental, l'intelligence active, une intelligence qui ne dépend pas des mémoires, Une intelligence qui permet à l'homme de savoir ce qu'il a besoin de savoir, même s'il n'a rien appris d'une chose. Une intelligence qui permet par la parole dans la tête ou la parole par la voix, pas la pensée. Il y en a qui pensent tout haut. Il y en a qui pensent dans leur tête. Il y en a qui parlent tout haut, puis il y en a qui parlent dans leur tête. Une beau, bonne nuance. Les personnes qui voient ce canal étranglé et qui n'ont pas d'ouverture vers leur esprit, vers le plan supramental, eh bien, elles finissent par ne plus avoir de motivation, elles n'ont plus de stimulation, et rien ne les tente. Elles ne s'ennuient même pas assez pour s'ennuyer de s'ennuyer. Et bien souvent, ces personnes se suicident. Ce canal, tant qu'on est assujetti à une évolution que j'appelle l'évolution de l'animal humain, pas une évolution, on n'est pas des animaux, sauf qu'on est manipulé comme des animaux. Un exemple, eh bien un exemple, on a encore peur de la grippe. Hein? Bon, là ça vient de Shanghai, bon, en tout cas, à un moment donné ça vient de Portugal, les légionnaires qui l'amènent, enfin il y a des grippes. Allons-y, ils savent quoi inventer, bon. On est constamment manipulé comme un, bon, ben, le gars, l'homme, qui est toujours manipulé à essayer de s'arranger pour ne pas trop être mal. Bon, il y a des érections bien souvent, puis ça ne tente même pas, mais une fois que ça a commencé, bien là, il n'est pas ni avec. La femme, qui vit sa menstruation régulière, qui change son état psychologique pendant quoi? 4-5 jours? Une semaine? Deux semaines? Dépendant des femmes. On regarde l'évolution de l'animal humain, de quelle façon? Bien, c'est simple. Lorsqu'on voit un gros gâteau, bien là, c'est l'estomac qui nous manipule, puis là, on s'en va là, puis on est fait, hein? Bon, c'est ça. On se fait irriter. Les loups, eux autres, c'est simple. Quand tu vas pisser sur le piste, ils se mettent en colère. Ben, les humains, c'est un peu la même chose. Tu t'accotes sur un automobile que tu ne connais pas, puis tu jases avec quelqu'un. Si le propriétaire te voit, il a l'impression que tu es assis sur lui. Ça dépend dans quelle façon il s'identifie à l'automobile, mais c'est un animal, une réaction d'animaux. Et lorsque l'être humain est violent, lorsque l'être humain se circule en automobile puis fait comme les chevaux, vous savez, j'ai déjà fait de l'équitation. Vous êtes 4-5 chevaux un côté de l'autre, puis les chevaux, ils se kickent. Bien, l'automobile, il ne se kick pas, il se klaxonne, il se coupe, il s'en va. Bon, voilà, c'est similaire. C'est la même chose. Il y a une évolution qui n'appartient plus à l'homme. On parle de conscience nouvelle. Ah, c'est sûr que le mot « nouveau » est plus nouveau. Hein? Conscience nouvelle, homme nouveau, air nouvelle, ça fait des milliers d'années qu'on en parle. Donc, le mot « nouveau » est plus nouveau. Mais il y a une chose, c'est que même si on en a parlé, l'humain a changé. Et il y a encore une fois une autre mutation planétaire qui s'en vient. La conscience nouvelle, elle doit aller chercher dans les corps de certains êtres humains, hommes ou femmes ou enfants, elle doit réveiller quelque chose de neuf qui va faire en sorte que l'humain va passer de la vie de l'animal humain à la vie de l'être humain. L'être humain, c'est quoi l'être humain? L'être humain, nécessairement, il contrôle son rêve. Il n'est plus manipulé dans le rêve. Mais nécessairement, il contrôle sa vie. Il n'est plus manipulé dans sa vie. Comment on est manipulé dans sa vie? Bien, l'animal humain, il se lève un matin, il fait « il se tire un peu. Puis là, quand il met le pied dans le plat du chat, parce que le chat joue avec, bien là, il chiale, il kick dessus, il crie. Bon, ça, c'est l'animal humain. L'animal humain, il se lève, et puis il vient pour partir son automobile, qui part pas. Bien, il est encore là, il est tout pogné. L'animal humain, quand il pleut, ça ne tente pas, il chiale contre la température. C'est pas assez simple. Vous rentrez quelque part et vous dites à quelqu'un « Bonjour ». L'autre « Comment ça va? »« Ça va? Et toi? »« Il fait beau, hein? »« Ah, il fait beau. » Bon, puis là, imaginez la conversation. Savez-vous pourquoi l'homme un jour a inventé la corde à linge? Bon, vous le savez. C'était pour permettre à des gens de parler, de faire des discussions de corde à linge. Bon, c'était simple. Combien d'humains sur la planète Terre parlent de la pluie du beau temps régulièrement? Ah, j'espère qu'il neigera pas. Ah, j'espère qu'il pleuvra pas. Ah, j'espère qu'il fera pas trop chaud. Ah, j'espère qu'il fera pas trop froid. Et ça change quoi? Ça change simplement que pendant que l'humain est occupé... Couché. Pendant que l'humain est occupé, il ne se conscientise pas consciemment. Alors, il est doublement manipulé. Si l'être humain avait un libre-arbitre, vous seriez tous millionnaires. Mais l'homme n'a pas de libre-arbitre. Par contre, l'être humain, celui qui un jour a une conscience instantanée qui s'exprime par lui, dans un corps qui est capable de détecter la vie, Il n'a pas de libre-arbitre. Par contre, il aura de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus assujetti à une évolution qui oblige continuellement le système hormonal. Je l'ai déjà dit, je fais une petite passe là-dessus. On en parle énormément plus à un moment donné. Mais le système hormonal de l'homme, il sert à muter le corps physique. Et nécessairement, pour qu'il y ait une sécrétion hormonale mutatoire, nécessairement la psychologie, l'ego, l'âme, le corps astral ou le phénomène astral de l'homme, doit vivre des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Quand il est heureux, il sécrète des hormones. Le corps l'exprime, ça paraît. Puis quand ça fait trop longtemps qu'il en sécrète, le corps ne réagit plus. Alors là, maintenant, il est temps qu'on casse son plaisir, puis là, il donne des malheurs. Ah ben là, maintenant, il se met à sécréter encore de nouvelles hormones, et puis là, ça marche. Quand il est trop longtemps dans le malheur, ben là, ça ne marche plus. Fait que là, il donne encore du bonheur, ce qui fait qu'on marche à peu près plus ou moins tous comme cela. Quel que soit le niveau de bonheur ou de malheur. La manipulation, elle est existentielle, c'est-à-dire qu'elle est l'apanage de l'homme qui se conscientise. L'animal est assujetti à un esprit de groupe, de troupeau. Alors, l'animal, même le lion, tous les lions agissent de la même façon, en gros, les lionnes. Et plus on est proche de l'énergie vitale qui nous a mis au monde, prenons l'exemple des herbivores qui mangent les plantes, c'est évident que le végétal, lui, il pousse dans des régions très particulières. Hein? On a des forêts mixtes qui mélangent certaines espèces, mais on a des forêts de conifères, des érablières. Bon, alors, ils sont en groupe. Lorsque l'animal est un peu plus évolué, il doit manger des herbivores. Il doit manger, pardon, de l'herbe, des végétaux. Il est herbivore. Les herbivores, n'ayant pas suffisamment de conscience, sont obligés de vivre en très grand groupe. Pourquoi? Parce que le peu d'esprit qui les anime est divisé dans un paquet de corps parce que les corps ne sont pas suffisamment solides pour supporter ce petit contact. Alors, le petit filon de rien du tout est pluralisé dans un paquet d'animaux et c'est pourquoi les moutons, les bœufs, les vaches, les chevaux vivent en troupeau. Lorsque l'animal devient plus solide et peut recevoir un peu plus d'énergie, il devient carnivore. C'est-à-dire qu'il peut se libérer du phénomène végétal, mais il devra manger des herbivores. Mais en même temps, il vit en meute de temps en temps, pas tout le temps. Et plus il va s'évoluer, plus il va devenir individuel. Jusqu'à un moment donné où une conscience de la vie apparaît, l'âme. Et là, il sait qu'il est. Et lorsqu'il sait qu'il est, une nouvelle peur apparaît. Une peur comme la peur de l'herbivore. Mais en même temps, il est habité par la nécessité de vivre comme le carnivore qui lui peut évoluer. Et ça crée les sociétés humaines que nous connaissons, où nous allons quand même nous entretuer, nous battre les uns contre les autres d'une nation à l'autre, où nous allons quand même pisser sur notre terrain et dire aux Turcs « sacré votre camp ». Bon, c'est la même chose. Où nous allons donc délimiter des frontières. Ben, maintenant, c'est jaune. Non, c'est orange. C'est l'agent orange. C'est ça qu'on sert maintenant pour délimiter les frontières, alors que les animaux, c'est l'agent jaune, l'urine. Bon, ben, chacun ses produits chimiques. L'homme qui continue son évolution, à partir de l'instant où il a une arme, il devient tout à fait assujetti à une manipulation monstrueuse, le monde de la mort. C'est-à-dire toute la mémoire expérientielle planétaire qui a enregistré tous les événements qui se sont passés depuis le début des temps, depuis la création de la planète Terre, sa densification, ça c'est une boule de feu, on appelle ça l'enfer dans la mémoire, et jusqu'à une densification, jusqu'à on arrive jusqu'à aujourd'hui. L'être humain a une pensée. J'ai dit souvent que l'homme ne pensait pas, mais qu'il pensait penser. Au lieu de dire « marche par là », bien, la manipulation a dit « je marche par là ». Comme on est des personnes très orgueilleuses, mais quand ça nous dit dans notre tête « je marche par là », ben pas des fous, on marche par là. Bon. Puis après ça, on dit « oui, mais c'est pas là que je voulais aller ». Ben c'est ça. Ou encore « c'est pas ça que je voulais faire ». Ou mieux, « c'est pas ça que je voulais dire ». Ben c'est ça. On est manipulé. Alors imaginez-vous que l'être humain étant manipulé lorsqu'il est réveillé, qu'est-ce que ça peut être comme facilité de manipulation lorsqu'il dort? Le gros problème, c'est qu'une personne se couche et s'endort. Dans son sommeil, à un moment donné, il y a une extra-conscientisation astrale. Sa psychologie, son corps astral, sort au niveau de la conscience et va fouiller dans d'autres mémoires. Pas les mémoires qui l'habitent. On appelle cela s'être endormi. Savez-vous quand vous vous endormez? On se couche, on se tourne, on se gratte, on se tourne encore. Et puis à un moment donné, ben là, on est réveillé. Et subitement, on se réveille le lendemain. Bon, ou ben non, 2-3 heures après, mais finalement, c'est ce qui arrive. Quand, à quel moment vous endormez-vous? Avez-vous déjà essayé de faire le travail d'être présent lorsque vous allez vous endormir? Il y a un problème. C'est que si notre pensée veut être présente, notre pensée, la pensée qui vient nous manipuler quand on est réveillé, veut être présente, eh bien, on ne s'endort pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas dormir parce que ça pense dans leur tête. Ils ne contrôlent pas leur pensée. La pensée n'appartient pas à l'homme. Alors, ça pense dans leur tête. Il y a une autre chose. C'est que si je veux être observateur de mon sommeil, est-ce que je dois penser en même temps? Ben non. Parce que tant qu'il y a de la pensée, il y a une conscience astrale. Donc, je ne dors pas. Par contre, si je veux être observateur, c'est ma conscience mentale. Et elle, je peux me permettre d'être observateur mentalement de mon sommeil sans avoir de problème à m'endormir. Une expérience qui est intéressante, c'est une expérience où on s'assoit dans son lit, on s'appuie sur le mur ou on s'assoit sur une chaise avec des bras, là, pas tomber, ou dans son automobile, on met la ceinture, on est correct. Bon. Et on ferme les yeux et on essaie de compter. On peut compter des moutons, là, enfin, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pendant combien de temps allez-vous être capable d'être conscient que vous comptez? Cette expérience-là, elle est extrêmement intéressante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle permet l'apprentissage du contrôle mental sur notre pensée. Et deuxièmement, c'est qu'elle permet de discerner que chez soi habitent deux consciences. Une conscience vivante, que j'appelle la conscience mentale, seul phénomène qui peut entrer en contact avec l'esprit, la conscience supramentale, et une conscience mémorielle, la conscience de l'âme, la psychologie, une conscience morte qui n'est que la photographie de la conscience vivante. Alors, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Je vais être là, 35, 36. Là, je vais reprendre conscience. Je vais continuer à compter, puis je ne m'en rendais plus compte. Pendant que mon mental continue à compter, lentement, il est possible que dans le monde psychologique, le monde du rêve, mais je suis réveillé, le monde astral, ça vienne penser dans ma tête. À partir de mes chiffres, on peut amener des choses. Puis là, ça commence à penser. Puis si je suis juste assez conscient, je reviens à mes nombres. Mais je n'ai perdu un bout. Pour comprendre la manipulation dans son sommeil, on doit savoir... On n'a qu'à regarder ou à penser, si on peut dire penser, à créer l'image d'un enfant qui rêve continuellement que son père la viole. Quel genre de relation va-t-elle avoir avec son père? Elle ne le sait pas. Elle se réveille le matin et elle ne se rappelle pas le rêve. Alors, elle est manipulée, mais manipulée, c'est absolument effarant. Mais elle ne le sait pas. Elle aurait intérêt à s'en rappeler. Le problème, c'est qu'un problème qu'on ignore ne nous fait pas trop mal consciemment, mais peut détruire notre vie. Mais c'est pas grave, on s'en rend pas compte. Lorsqu'elle conscientise son rêve et qu'elle décode, qu'elle découvre que dans son rêve, elle voit son père venir la violer, lorsqu'elle va se réveiller en se rappelant le rêve, elle va avoir un peu plus de difficulté à supporter le rêve. Parce que là, elle en est consciente. Mais maintenant, elle peut le changer. Quand on a un problème psychologique ou un problème simplement de manipulation et qu'on ne le sait pas, apparemment, ça ne paraît pas. C'est comme le gars qui est drogué et qui ne sait pas qu'il est drogué, ça ne le dérange pas. C'est celui qui, une fois réveillé, le sait. Ou il en veut encore, ou il veut la fuir. Mais là, il y a un problème. Tant qu'il est drogué, ça va bien. Le rêve, il est déterminant, et je vais expliquer un peu de quelle façon cosmiquement l'humain peut être charrié par son sommeil. Le rêve est déterminant dans la vie d'un être humain. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de toute sa vie, si nous dormons 8 heures par jour, cela veut dire que nous dormons un paquet d'années dans une vie. Et pendant toutes ces années-là où nous sommes au sommeil, il se passe dans notre tête, dans notre conscience, des choses. Et parce que si nous nous en rappelons, ça va, mais nous ne le contrôlons pas. Et si nous nous en rappelons même pas, c'est qu'on fait de nous ce que l'on veut. Et on n'en a aucune idée. Mais nécessairement, après 20 ans de sommeil, sur 45 ans de vie, ou sur 50 ou 55 ans de vie, Eh bien, tout ce qui nous aura été amené pendant le sommeil aura déterminé à 100% ce que nous serons maintenant, plus ce que nous avons rêvé pendant l'éveil. La manipulation pendant le sommeil, elle a ceci d'intéressant. Premièrement, l'évolution de l'homme cosmiquement est importante exclusivement à partir de l'idée que la race est importante. Un individu qui n'a pas de conscience supramentale, un individu qui n'a pas de conscience instantanée, un individu qui n'est pas dans son intelligence, donc qui est collectif, n'a aucune importance cosmique. La race humaine, elle évolue de façon à ce que la matière finisse par être suffisamment animée et animable, c'est le rôle de l'âme de l'animer, pour qu'elle finisse par se transformer, s'alchimiser, se malléabiliser, muter, et on est à l'ère d'une mutation totale, pas de mutation comme on a eu dans le passé, on en a eu des géniales, on a eu des peuples qui n'avaient aucune idée de ce qu'était l'art. ART. Et à un moment donné, subitement, il y avait une renaissance, ça y allait. Ça artifiait, ça y allait au bout. Lentement, tout est devenu artificiel. Parce que là, l'humain, ayant réussi à comprendre l'expression de l'art, il regardait un paysage, puis il transformait, il le recréait avec de l'huile, la peinture à l'huile, puis il trouvait ça plus beau. Une peinture peut se vendre 100 000 $, puis le paysage qui servait à la faire, 5 000 $. Bon, ça vous donne une idée. Voilà. Alors donc, lorsque, là, ça c'est une mutation, une renaissance, c'est la renaissance, bon, c'est une mutation. On est présentement à l'ère d'une nouvelle mutation. C'est surtout dans la partie nord planétaire que ça se passe, et surtout au Québec. Lorsque le corps physique devient suffisamment solide pour être capable de résister à des stimuli émotifs, à un moment donné, ben vous avez toujours chiolé quand votre toast était brûlé, puis un jour, la toast elle sort brûlée. Tu te dis, bof, allons, hein, ça ne vaut plus la peine de chialer, on recommence. Voilà, vous êtes maintenant en train de devenir un initié. Initié du grille-pain, soit, mais initié. Instant. Petit pas par petit pas, une brique sur une brique, on bâtit des édifices. Un instant. Alors là, maintenant, vous commencez à contrôler le grille-pain, et vous savez quand le faire monter ou quand en acheter un autre, dépendant des bourses. Bon. Et là, vous avez un toast comme vous voulez. Bon. Sauf que, il y a encore sur la planète Terre, imaginez-vous que vous prenez l'avion, vous survolez Montréal, combien de personnes entre 6 et 7 chialent contre leur pain dans la ville de Montréal? Voyez-vous l'énergie perdue? Ce n'est pas perdu, c'est perdu du point de vue de l'intelligence. Et il y a de l'intelligence dans l'homme. Mais cette intelligence dans l'homme n'arrive pas à s'exprimer parce qu'on est trop occupé à chialer contre la toast. Bon. La conscientisation cosmique fait qu'à la longue, à force d'être stimulée, animée par l'âme, et c'est là qu'on est manipulé pendant le rêve, comme pendant l'éveil, l'âme, c'est un problème, l'âme. Si vous n'aviez pas d'âme, eh bien, vous ne seriez pas ici. Vous seriez à quatre pattes dans un jardin en train de manger puis de gratter pour avoir du lichen. Bon. Alors, il y a eu l'âme. L'âme qui est l'accumulation individuelle des mémoires expérientielles de la vie du corps. Autrement dit, l'âme, c'est l'accumulation dans un véhicule biologique et l'animal, c'est l'accumulation individuelle des mémoires de votre vie. Alors, maintenant que nous avons une âme, au lieu de dire « Qui es-tu? Je suis un humain. » Bien, on répond « Je suis Daniel Kem. » Bien, vous répondez pas tout ça, là, mais en tout cas, moi, je réponds ça. Bon. Lorsqu'on demande à un chien qui tuait le chien, ben il jappe, c'est un chien. Il n'a pas, il a une toute petite âme, très limitée, qui lui permet au minimum de reconnaître sa cabane, mais il ne peut pas prendre conscience de sa vie. Il n'a pas idée du futur ou du passé. Lorsque l'âme, dans un corps merveilleux, il peut encore avoir des problèmes de digestion, mais un corps qui est capable de supporter de l'intelligence, même cette intelligence, c'est une intelligence expérientielle, la mémoire de l'intelligence, cette âme, elle a maintenant la faculté de prendre le corps de l'homme et de le faire vivre tout en le transformant jusqu'au jour où l'intelligence va venir le chercher. Lorsque l'intelligence vient le chercher, l'être humain est totalement désassujetti des manipulations qu'il connaît du monde de la mort, en l'occurrence dans l'éveil et dans le sommeil. Alors notre être humain est capable maintenant de vivre d'un amour intelligent et non pas d'un amour conditionnel et sélectif que l'on connaît. L'humain est maintenant capable d'accepter les choses telles qu'elles sont et non plus de chialer parce que l'étoile qu'il voulait voir est cachée par un nuage. Il chiale plus à cause de ça. Notre être humain n'a plus peur. Il ne la contrôle pas et ne la connaît plus. Pourquoi? Parce qu'il a la faculté d'accepter le neuf, la vie. Alors que l'humain normal, eh bien, s'il ne connaît pas la chose, si ça ne fait pas partie de son bagage de mémoire, bien, il en a peur. Bon, quand il est jeune, ça va, mais à un moment donné, il finit par avoir peur des choses neuves. Notre homme, notre être humain, nécessairement, il n'a plus de création à l'intérieur en relation avec la manipulation pendant le rêve comme pendant l'éveil. Parce que la majorité des humains, on le sait, ils rêvent même réveillés, hein? Ils rêvent à gagner à la loterie, ils rêvent à partir en voyage, ils rêvent à ce que le voisin déménage, ils rêvent à avoir un serin de plus, ils rêvent à ce que le commerce marche, ils rêvent à ce que leurs enfants soient fins, ils rêvent à ce que les cigarettes puissent les faire fumer mais qu'ils ne se consument pas, bon, ils rêvent un paquet d'affaires. L'humain rêve. Et ce rêve éveillé, on l'appelle imagination, on l'appelle désir. Si je ne désire pas aller en vacances, comment moi y aller en vacances? T'as pas besoin de désirer, t'as rien qu'à y aller. Bon, facile à dire, facile à faire, mais ça dépend encore une fois comment on voit la chose. Chose qui est certaine, c'est que l'être humain rêve autant réveillé que dans le sommeil, et ce rêve a une seule fonction, animer ce qui anime le corps physique, l'âme. L'âme, c'est quelque chose de génial. Si on ne l'aurait pas inventé, je l'aurais inventé. Maintenant, il y a un problème, c'est inventé, ça l'habite l'humain, et lorsque l'être humain est capable de comprendre les nuances entre un amour intelligent qui serait, imaginons juste ce petit théorème, est-ce que ce serait pas mieux d'être capable d'aimer simplement? Quand quelqu'un ou une chose approche de nous, on l'aime. Quand elle s'en va, on l'aime encore. Plutôt que d'être pogné à regarder les choses puis à dire à aimer sélectivement. Et quand la chose vient nous voir, on l'aime. Puis quand la chose s'en va, bien là, on ne veut plus qu'elle parte. Hey, je t'aime. Je t'aime. Fait que t'es mon esclave, je t'aime. Ce serait facile. C'est ce qui attend l'être humain qui se conscientise. Un amour intelligent et une liberté au niveau de sa conscience. Tandis que présentement, étant donné que la majorité des humains de la planète, et en l'occurrence les Québécois, n'ont pas encore compris l'intelligence de s'améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire, s'améliorer? S'améliorer, ça peut vouloir dire aller chez les Krishna, aller danser avec eux autres. Si vous ne savez pas, allez voir, c'est comique. Aller danser avec eux autres, au moins une fois, pour après ça venir se rasseoir dans son salon, puis de dire, j'y étais. Pourquoi? Bien, c'est ça la conscientisation. Et là, on n'est plus manipulé. Parce qu'au lieu de dire les Krishna, c'est des niaiseux, c'est des ici, c'est des imbéciles, tu vois comment ils se rasent la tête, tu vois comment ils s'habillent, tu vois comment ils marchent, tu vois comment ils pètent. Au lieu de dire ça, et ça, ça fait partie de la conscience collective, ça fait partie de la programmation. C'est ce que tout le monde dit, sauf les Krishna. Et vous le dites. Quand on est allé danser avec eux, puis qu'on est allé écouter un peu ce qu'ils ont à dire, eh bien, maintenant, on a notre propre idée. Et notre idée, si c'est la nôtre, elle ne sera jamais péjorative. Elle ne sera jamais négative. Un maringouin, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que Dieu aurait fait mieux d'inventer autre chose que les maringouins? Ben, ça dépend du point de vue. Quand tu es assis sur le bord de ton lac, puis que c'est le bonheur, si un maringouin vient de piquer, ça met du piquant. Alors là, tu lèves ta main et tu fais « clac ». C'est la seule façon que la nature a trouvée pour que l'homme se donne lui-même ses propres claques. Bon, ça, c'est une farce. La nature, qu'est-ce qu'elle a trouvé pour que l'homme se donne lui-même ses propres claques? C'est simple, elle lui a donné l'orgueil. C'était plus facile. Alors, lorsque quelqu'un pile sur ton pied, bien, t'es en beau maudit, puis tu claques l'autre, puis l'autre te claque, puis ça marche comme ça. Aujourd'hui, on se claque à coup de bombe nucléaire, mais c'est ce qui arrive pareil. Alors donc, lorsque nous avons une évolution, nous sommes tous capables de comprendre l'intelligence des choses. Mais la majorité des êtres humains ne n'est pas capable de l'appliquer. Alors, l'humain invente un mot très facile à dire, et ce mot se dit comme suit, c'est facile à dire, mais pas à faire. ce qui est facile à dire est sans doute intelligent. Parce que nous sommes manipulés dans notre sommeil comme dans notre réveil, nous ne sommes pas capables de le faire. Eh bien, il faut changer ceci. Et on va commencer par parler un peu de ce fichu sommeil. Le sommeil, c'est le corps physique qui a besoin de repos. Pourquoi? Parce que dans la journée, le corps physique, tellement attaqué par la manipulation expressive de l'astral, toutes les émotions qui sont vécues dans notre corps physique, vous savez, quand on est content, eh bien, il y a des dilatations de certains organes, il y a un paquet de choses qui se passent, ça fatigue le corps. Quand on est de mauvaise humeur, le corps peut s'accélérer, il y a des contractions ou des dilatations des vaisseaux périphériques, il y a un paquet de choses qui se passent encore, on peut aller aux toilettes 20 fois, on peut être constipé à la place, on peut avoir faim parce qu'on brûle d'énergie. Bref, tout au long de l'expression émotive de l'âme, qui est l'ennemi de l'esprit, eh bien, on s'épuise. Alors, on prend le corps et on s'en va le coucher. Mais il y a une chose, c'est que l'âme est tellement sensue du corps qu'elle ne le quittera pas. Et vu que l'âme ne le quittera pas, on doit placer dans le monde de la mort des forces manipulatrices qui vont avoir comme fonction de mettre un petit hameçon, une petite bebelle, puis de pêcher dans votre âme pour ramasser l'ego. Alors, qu'est-ce qui arrive? Dans le monde de la mort, l'âme a la possibilité d'aller fouiller et d'être stimulée. Mais chaque fois que vous vous réveillez, vous n'êtes plus le même. Parce que pendant votre sommeil, des petites finalités réincarnatives reviennent avec vous, plus l'expérience de votre sommeil. Imaginez ceci. Vous êtes une personne qui n'avait pas peur de l'automobile. À un moment donné, vous avez un gros accident. Ping, pataf, paf, le pare-choc d'en avant, il vient embrasser le pare-choc d'en arrière. Et puis vous, ben, vous êtes juste un peu en haut, une chance. Mais là, il n'y a plus d'automobile et vous vous réveillez à l'hôpital. Ça va changer votre vision de l'automobile et de la condition, de la conduite automobile. Alors, si vous rêvez la même chose, mais le rêvez d'une façon cauchemardesque, c'est-à-dire de le rêver d'une façon tellement présente que même votre corps va sécréter des hormones, que vous allez gigoter dans le lit, que vous allez transpirer dans le lit. Quand on rêve même plus que ça, on peut même se réveiller avec des fractures, c'est assez rare, c'est déjà arrivé. Lorsque l'être humain le vit d'une façon cauchemardesque, il l'imprime dans sa conscience mémorielle de l'ego. Et lorsqu'il se réveille le matin, s'il ne s'en rappelle pas, il aura peur de l'automobile quand même, il ne saura pas pourquoi. Là, il pourra dire, c'est mes vies antérieures, là, ou bien non, je ne sais pas quoi, là, bon. Il faut bien qu'il s'occupe. Ou bien, il pourra se rappeler du rêve, puis il aura de la difficulté à le chasser. Le rêve, il manipule. Alors, on pêche, on sort l'ego. Pourquoi on sort l'ego du corps physique? Parce qu'imaginez qu'est-ce que ça donne. Quand vous vous couchez, puis que ça pense dans votre tête, vous n'arrivez pas à dormir, vous continuez à massacrer le corps physique, à l'épuiser. Vous devenez irritable. Qu'est-ce que la fatigue fait chez l'humain? Elle le rend colérique, irritable. C'est-à-dire qu'elle baisse tellement son taux vibratoire qu'il n'a même plus de conscience du contrôle qu'il devrait appliquer. Alors, il arrive ceci. Il arrive que du monde de la mort descend des archétypes, des mémoires qui viennent simplement attirer la majorité de l'identification de l'âme de l'homme et la conscience de l'âme de l'homme dans le canal sort et va dans le monde de la mort. C'est donc une extra-conscientisation. C'est un voyage de la conscience, pas du corps. Lorsque la conscience est partie dans le monde de la mort, elle va où? Bien, elle va n'importe où. Elle va partout ce que ça veut l'attirer. Alors, à un moment donné, on fait un rêve, et ce rêve, c'est le rêve de la faillite de notre entreprise. Entreprise de famille ou entreprise d'affaires, c'est la faillite. On rêve à ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans la mémoire astrale de personnes qui font des faillites, tout simplement. Dans la journée, on a peut-être regardé notre compte en banque, on a peut-être rencontré quelqu'un qui était proche d'une faillite, et puis, bien, ça nous a donné un peu d'expérience, puis on se fait attirer par ça, puis là, on va le rêver. Lorsqu'on le rêve dans le monde de la mort, nécessairement, lorsqu'on revient avec, on est déjà une personne qui inconsciemment a peur d'une faillite. Et lentement, ça peut enclencher des mécaniques qui peuvent nous y amener. Comme ça peut enclencher des mécaniques qui vont tout faire en sorte pour qu'on n'y arrive pas. Mais ça ne change rien. Vous n'êtes pas votre maître. Vous allez maintenant réagir à des stimulations que vous avez vécues pendant le rêve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une conscience mentale suffisamment développée, et ça se développe, on va voir comment, pour être capable de se rappeler le rêve. Quand on se rappelle le rêve, c'est que le rêve s'est fait suffisamment proche de notre corps physique pour que notre conscience mentale, plantée dans le cortex cérébral de l'homme, parce que la conscience astrale, la conscience émotive, elle est thalamienne, hypothalamienne et endocrinienne. Émotive, autrement dit. Pour que cela se fasse, le rêve doit se faire proche du corps physique. Si le rêve se fait proche du corps physique, alors notre conscience mentale pourra le contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire faillite, puis dans ton rêve, tu le sais que tu es là, en train de faire faillite. Et là, tu vas transformer le rêve, c'est-à-dire que tu vas simplement changer de palier du monde de la mort pour aller dans une place où les gens s'en sortent de leur faillite. Mais dans le rêve, ça va donner l'impression, l'illusion va simplement se transformer lentement et on aura l'impression que nous avons changé le rêve. Dans la réalité des choses, nous avons changé de plan de rêve et pratiquement, nous avons changé le rêve. Lorsque l'être humain vit cela et lorsque le rêve est proche du corps physique, lorsqu'il se réveille, il s'en rappelle comme s'il vivait un événement, mais il sait que c'était un rêve. Mais ce n'est pas une raison. Quand on sait que c'est un rêve, sachons simplement... L'idée n'est pas de savoir, ah ben oui, j'ai rêvé, là, j'étais allé au Pays des Merveilles, là, j'ai rencontré un gros lapin avec un chapeau, là, puis là, il a disparu, puis là, à un moment donné, j'ai marché dans le bois. Puis là, finalement, est-ce que tu as décidé dans ton rêve de changer le rêve? Quand on commence à changer son rêve dans le rêve, on va prochainement être capable de changer la force manipulatrice qui nous anime de notre éveil, et finalement, lentement, on aura aussi la possibilité de changer les conditions expérientielles de notre vie. Mais on doit commencer cela, surtout dans le sommeil. C'est là que vient le gros problème. On est inconscient pendant qu'on rêve. Alors imaginez-vous le problème. Comment faire pour rêver proche du corps? Tout le reste, vous allez le comprendre tout seul. À l'instant où vous allez être capable d'amener le rêve proche du corps physique, tout le reste de la technique, vous allez la découvrir tout seul. Vous allez être tellement dans le rêve que vous allez même être capable de dire « Ah ben merde, ce que je viens de faire là, c'était pas ça, c'était pas bon. » C'est ça. Vous allez le savoir. Et lentement, avec l'expérience, on peut arriver à contrôler son rêve. Une chose qui est sûre, il y a des personnes qui disent oh, « Moi, je rêve pas, moi, fait que moi, j'ai mon temps pour commencer à m'en rappeler. Ça me fait un problème de moins. » Ouais. C'est comme la personne qui est dans un milieu, dans une bâtisse entourée d'un paquet de maisons qui brûlent, c'est bourré d'incendies, puis elle se dit « Ah, moi, je tirais mes stores. Moi, je veux rien savoir. Moi, je suis bien, là. Puis là, je mange mon bol de pinot, puis je veux rien savoir. » Bon. C'est sûr, elle est bien. Jusqu'à temps que le feu arrive à sa maison. Elle pourra continuer à dire, ben c'est ça, ça fait assez longtemps que j'ai froid, je suis heureux. Je l'ai un foyer. Un mur à mur. Là. Sauf que la personne qui ouvre ses stores et qui regarde dehors et qui voit que l'incendie est pris dans le pâté de maison qu'elle habite, eh bien, nécessairement, il y a un problème. Elle devra faire quelque chose. Savez-vous pourquoi la majorité des personnes ont peur de changer ou ont peur de trouver des réponses? C'est parce que lorsqu'on a trouvé une réponse, on est obligé d'accomplir quelque chose. On est obligé d'apposer à cette réponse un changement. Alors, moi, je me rappelle pas de mon rêve, puis j'aime autant ça de même, ça me fait un problème de moins. C'est un fait. Un jour, les autres auront passé, puis toi, tu seras un des derniers, puis on ira te chercher qu'un hameçon. Bon, c'est pas plus grave que ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a des humains qui vibrent suffisamment à l'idée qu'ils devraient, qu'ils veulent contrôler. Contrôler, faire attention, contrôler ce qui se passe chez soi, pas contrôler tout l'extérieur, chaque chose en son temps. Avant d'aller moucher le voisin, on va commencer par se moucher. Puis après ça, avant d'aller moucher le voisin, on va commencer par plus avoir la grippe. Puis il y a encore bien des jobs à faire avant d'aller moucher le voisin. Bon. Puis bien souvent, quand on a tout fini, ben le voisin, même s'il est mort, ça ne dérange plus. Fait qu'on va même pas le moucher par là. C'est la conscientisation, c'est plus simple. Bon. Alors donc, on se couche et on doit expérimenter une position de sommeil. Sur le dos, sur le côté, sur le ventre, par-dessus, en dessous. Non, ça, c'est pas bon. Bon, OK? Bon. Et on doit commencer à enligner le rêve. Tout à l'heure, j'ai expliqué que lorsque j'étais jeune, je faisais ce genre d'expérience, et même ici au centre, j'ai déjà donné un cours sur le voyage astral, et j'amenais une vingtaine de personnes voyager un peu dans les annales akashiques, c'est-à-dire dans le passé. On fait la même chose, mais on le fait pour soi. Alors, on se couche, ça va mieux, comme ça, on risque moins de tomber. Et puis, on décide ce que l'on veut faire comme rêve. Première chose à faire, c'est lorsqu'on se lève le matin, de prendre les premiers instants du réveil à juste observer si on ne se rappellerait pas d'un rêve. commencer par s'en rappeler. Parce que commencer à s'en rappeler, ça veut dire que vous allez commencer à participer à votre sommeil. C'est intéressant de participer à son sommeil. La vie devient un peu plus grande. On va fouiller dans des plans qui nous sont inconnus lorsqu'on a un phénomène trop cartésien, lorsque Descartes nous habite. Alors, lorsqu'on peut participer à son rêve, à son sommeil, on pourra même nous reposer en dedans d'une heure. On n'aura plus besoin de dormir aussi longtemps. On va commencer par juste arriver à s'endormir. Après ça, on verra comment le restreindre. Alors, on doit, le matin, avant de se lever complètement, s'arranger pour voir si on peut s'en rappeler. C'est un petit début. Il y a beaucoup de choses que je dis souvent et les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que les gens, finalement, ont trop comme passe-temps l'évolution. Un être humain que l'on prend et qu'on enfonce sa tête dans un bol de toilette, et puis là, qui gigote, puis qui gigote, puis qui gigote, l'eau est propre, puis on tire la chaîne. Okay, bon. Alors, il gigote, il gigote, il gigote, il gigote, ça c'est parce qu'il ne peut pas respirer. Et puis si on le laisse dedans suffisamment longtemps, à un moment donné, quand on va sortir la tête de la bolle de toilette, il va faire... Bon. Si l'humain voudrait évoluer autant que ce gars-là voulait avoir de l'air quand il était dans la bolle, il avancerait vite. L'homme est dans une bolle de toilette. Et dans quelques années, on va tirer à la chaîne. Bon, enfin... Bon, il y en a qui appellent ça l'apocalypse. Chacun son mot, là. On va appeler ça flusher. Bon. Et parce que l'humain est occupé à boire l'eau plutôt que de vouloir avoir de l'air, parce que l'humain, il se dit, si je la bois toute, je vais pouvoir respirer. C'est qu'il y en a énormément de phénomènes astrales. L'humain essaie... Qu'est-ce que c'est boire l'eau de la bolle? C'est d'essayer de porter en culpabilité tout le poids des péchés du monde. Cela veut dire, oh, on s'en fout des Afghans, puis des ici, puis des ça. Mais on passe notre temps à se culpabiliser et on passe surtout notre temps à jouer dans la bolle de toilette, dans les rêves, où on ne contrôle pas. Passer notre vie à rêver à des choses que finalement on ne peut pas accomplir, au lieu d'intelligencer le phénomène et accomplir des choses. Lorsque l'être humain se couche et lorsque l'être humain veut faire le travail, ça prend un laps de temps avant que ça commence à fonctionner. Puis finalement, ça devient exponentiel. Il y a des phases un petit peu terribles là-dedans. Ceux qui ont fait mon séminaire et ceux qui suivent d'autres séminaires ici savent que de temps en temps, il y a des phases bizarres, particulières, qui sont symptomatiques d'une conscientisation, mais qui sont quelque peu souffrantes. Ouais. Mais ce sont des phases temporaires et qui, de toute façon, vont attendre tous les humains de la planète, mais dans les quelques centaines d'années qui vont venir pour plusieurs humains, et d'autres, ce sera dans les dizaines d'années à venir. Et ces phases-là sont des phases comme la puberté, comme la naissance. Ça fait souffrir. Mais l'enfant qui veut rester un enfant va quand même y passer, mais il risque de souffrir plus longtemps parce qu'il va essayer de tout faire pour le fuir. Et quand il va être dedans, bien, finalement, il va tellement s'y accrocher pour rester là, pour ne pas vivre la phase d'adulte, qu'il va tirer son adolescence. C'est comme la personne qui boit l'eau de la bolle de toilette et pleure en même temps. Elle la remplit au fur et à mesure qu'elle la boit. Bon. On se couche. Il y a des exercices que je donne, il y a des choses que j'explique. C'est sûr que quand j'en parle, ça instruit le monde de la mort. Parce que par la parole, on instruit le monde astral. Et nécessairement et consciemment, les gens qui rêvent ont accès à ce que je dis. Bon, ils sont rusés, ils ne payent rien aux autres, puis ils ont accès à ce que je dis. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils ont accès à ce que je dis. Une heure de ce qui peut être dit peut leur parvenir à un état applicable en peut-être 10 années de vie inconsciente. Ça coûte cher à la longue. L'énormément de fois, l'humain sait des choses, il ne les applique pas. Pourquoi? Parce qu'on le manipule à ne pas l'appliquer. Il oublie! On lui fait penser à d'autres choses. Alors voilà, on se couche. Et on apprend à attirer le rêve proche de son corps physique. Et lentement, on va apprendre à manipuler le rêve et à commencer à participer à son rêve. Et c'est exactement comme si on rentrait dans un film où là, ce qu'on veut qu'il arrive, arrive. Et on peut avoir le plaisir qu'il faut. On peut même s'instruire et on peut même arriver aussi à passer par-dessus certaines formes d'initiation. J'ai déjà vu ça dans une autre conférence sur le sommeil. Dormir d'une autre façon. Bon. Alors, on se couche. On prend une position qui nous plaît, de façon à ne pas avoir à bouger. Parce que si on a à bouger avant d'être parti dans le sommeil, il faudra presque recommencer. On doit respirer consciemment, calmement et consciemment. De temps en temps, ceux qui vont respirer vont même entendre leur battement cardiaque. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça, il y en a qui s'en fout. On doit s'arranger pour le supporter. C'est la preuve que l'on vit. Et on doit respirer calmement. Et lentement, notre conscience, notre cerveau, on doit travailler juste cette petite subtilité, cette petite nuance qui va nous amener à ne plus entendre les bruits extérieurs, à ne plus sentir les odeurs extérieures, à ne même plus sentir le contact tactile du corps avec le lit. Alors là, on est centralisé dans notre cerveau. On ne doit pas se centraliser au niveau du centre coronaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se centraliser, la conscience ne doit pas se placer au niveau d'un chakra placé près du cœur. Chakra cardiaque, on ne doit pas. Pourquoi? Parce qu'on va vivre un rêve d'une façon très émotive ou un rêve qu'on ne pourra pas contrôler. Alors, on se place simplement. C'est simple. Coupez vos pieds, coupez vos genoux, coupez vos jambes, coupez vos hanches. Et lentement, coupez vos mains, coupez vos bras. Coupez vos épaules, il reste rien qu'une tête. Et conservez la conscience dans la tête. Oubliez votre langue. Conscientisez simplement le système neuronique, le cerveau. Le reste, on l'oublie. Et dans ce petit cerveau, vous allez maintenant commencer à enligner un rêve, à enligner une structure. La structure peut simplement être la répétition d'une phrase, style mantra. Mais on doit être cérébral, pas corporel. La conscience est neuronique et non pas endocrinienne. C'est une conscience mentale. Et là, il y a un exercice que l'on peut faire juste histoire de préparer vitalement son cerveau. Si on le fait, on va sentir des choses. Il y a 3 ans, j'en ai parlé dans une conférence sur un autre sujet. Il y a des personnes qui ont essayé cette technique-là ailleurs que dans le cerveau. Et elles ont eu des petites surprises, désagréables dans la majorité des cas. Pas de problème, mais quand même. Alors, je vous mets en garde. La technique, elle est simple. On est juste un cerveau. Et dans ce cerveau, on imagine 2 panneaux, 2 planches. Et ces 2 planches, une en avant, une en arrière, on a 2 hémisphères cérébrales, on va commencer à les faire avancer dans le cerveau. Et ils doivent traverser le cerveau et arrêter. Ces 2 planches-là vont lentement entraîner une accélération de la circulation du liquide dans céphalo-rachidien. Un liquide qui permet de refroidir le cerveau, ça le déconnecte des manipulations de la pensée, donc ça amène le sommeil. Et un liquide qui, en même temps, permet aussi de nettoyer le cerveau, ça permet à votre cerveau, s'il a à muter, donc s'il y a des petites programmations axoniques qui doivent se faire, de mieux se faire. Et là, on doit simplement prendre le contrôle total du mouvement de ces plaques. Et on a fait le travail qu'au niveau cérébral seulement. Les petits coquins, vous pouvez essayer sur d'autres plans, mais c'est votre problème à vous, c'est pas le mien, je vous avertis. Alors, on fait donc ce travail au niveau cérébral et on doit s'arranger pour que les plaques bougent à la vitesse que l'on veut les faire bouger. On ne doit pas suivre la plaque parce que finalement, c'est elle qui contrôle. Alors, on doit s'enligner pour contrôler le mouvement de ces 2 plaques. Lorsque le contrôle de ces 2 plaques est suffisamment bien fait, lorsque le contrôle des 2 plaques est suffisamment bien fait. Ça veut dire, lorsque je peux l'arrêter ici, la repartir, l'arrêter, la reculer, l'avancer, lorsque je fais ce que je veux avec. C'est important de bien faire attention à une manipulation très subtile qui va faire en sorte que c'est la plaque qui va bouger, entraînant chez vous le désir de la faire bouger. C'est vous qui êtes manipulé, c'est pas la plaque. Exactement comme si une personne me manipule à lever mon bras. Je me dis, ah ben tiens, m'a levé mon bras. Mais là, je n'ai pas conscience que ce n'est pas moi qui décide. Je dois donner l'ordre avant et la plaque doit agir après. Même si c'est très proche entre l'ordre et la plaque agit après, pas avant ou pas trop en même temps. Quand cela est fait et quand on a un très bon contrôle, on va avoir premièrement les idées plus claires, on va avoir un cerveau plus refroidi. Il y a une possibilité qu'on sente quelque chose qui circule dans la tête, c'est le liquide céphalo-rachidien, ce qui arrive de temps en temps. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'enligne pour aller chercher le rêve que l'on veut aller chercher. Alors, la meilleure chose, c'est de faire un peu ce que les initiés, ce que les anciens suggéraient. Vous allez imaginer votre corps très léger à un point tel qu'il va simplement commencer à flotter. Sauf que on peut imaginer le corps qui flotte au-dessus de soi. Certaines personnes ont déjà entendu parler de techniques où on sortait soit par le centre cardiaque, soit par le centre coronal, le cerveau. Ça, c'est pour un dédoublement éthérique. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous compte aujourd'hui. Donc, on s'en fout. Le corps, on doit le sentir lentement flotter et on doit s'arranger pour, petit travail, peut-être de longue haleine. S'arranger pour ne pas voir, pour ne pas nous voir faisant des choses, mais pour voir à travers notre conscience des choses. J'explique un peu mieux. On doit s'arranger pour voir le monde du rêve ou voir ce que nous sommes en train d'imaginer. Ce n'est pas d'imagination, en réalité, on fouille dans les mémoires du monde de la mort. Et ces mémoires, on pense que c'est de l'imagination. Simplement qu'au lieu de voir avec ses yeux, on voit avec un sens qui est plus métaphysique et on voit le monde de la mort. Alors, on doit s'arranger pour voir le monde de la mort comme on voit le monde de la matière. C'est-à-dire, je le vois par mes yeux. Je suis donc capable de percevoir l'orbite de mes yeux. Je suis capable de voir mes mains. Je ne me vois pas. Et c'est important, je ne me vois pas. Alors, je ne dois pas imaginer un corps qui flotte au-dessus de moi. Et moi, je suis une troisième personne qui observe. Je dois, moi, voir mon corps qui s'éloigne. Je dois, moi, être capable de pénétrer dans un monde. Alors, je sors et je m'en vais où? Sur le bord de la mer en vacances, peut-être, c'est un bon début. Mais je ne dois pas me voir dans un hamac. Je dois embarquer dedans. Je peux flotter, je peux faire ce que je veux dans le monde de la mort. Je n'ai pas le problème du corps physique. Mais je dois, moi, me voir. Et ça, c'est très sine qua non, c'est très important de bien comprendre juste la nuance. Dans le début, on fait l'exercice. On se couche, on prend une position convenable, on respire consciemment. Combien de fois on respire consciemment? Aussi longtemps qu'on a le goût d'arrêter. Ça veut dire? On va en prendre trois. Un, trois. Ah, il m'en reste 5, 2, c'est pas pire. Prends-en 4. Tu es pressé. Donc, manipulé. Je vais en prendre 12. Rendu à 12, là, t'as hâte. Rajoute-en 5. Juste pour prouver à ta psychologie que tu es ton seul maître et que tu n'es pas pressé. Parce que, il y a l'hameçon. Alors, si on est pressé d'en finir, c'est qu'on veut décoller, mais on ne sera pas le maître contrôleur de notre sommeil. Et on va encore se faire manipuler pendant le rêve. Alors, on respire, et quand... Bon, ça ne dérange pas de continuer d'arrêter. Parfait. On laisse la respiration se faire tout seul, et on commence à faire bouger les plaques. Quand on a le contrôle des plaques, eh bien là, on commence à envisager un rêve. La meilleure façon, c'est de se conscientiser, nous, à être un cerveau, et de sortir. Par la suite, on va sur le bord de la mer, on va dans un avion réaction, on va dans le vaisseau Enterprise, on s'en fout dans quoi on va aller rêver. Puis lentement, le rêve va s'enclencher et on risque, après quelques temps, quel que soit le rêve qui va apparaître, d'être maître contrôleur du rêve et d'être capable de le bouger, le rêve, de le transformer, le rêve. Et ça va changer énormément notre vie, surtout qu'on va commencer à vivre la nuit, ce que la majorité ne font pas. Alors, on va prendre une petite pause de 15 minutes, endormez-vous pas tout en bas, et puis on revient par la suite. Vous posez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi. Le titre de la semaine prochaine de Daniel sera « Commencer l'initiation solaire ». Pour les questions sur le séminaire sur les clés de la prière, sur l'offre de mini-séminaire sur l'importance du Québécois d'ici l'an 2000, eh bien, je vais me trouver à l'extérieur.